mardi divertissant. Vous êtes dans la zone 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Frédéric Bernard ajoutera une autre série télé sur nos listes dans Crackpot TV et on se remplira la bouche de malbouffe avec une grosse pointe d'adresse. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis. Alors, c'est mercredi 21 janvier 2015 et je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hola! Hola, mi amiga! Hein, tellement? Et tellement! Comment es-tu bien aujourd'hui? C'est tellement une belle journée. J'ai enfin une vignette pour mon auto. Bravo, de stationnement. Oui, puis sais-tu quoi? J'ai pas assez proche d'oublier de la mettre. J'ai débarqué de mon auto. J'ai pris mon sac. Je me dis, j'ai encore la vignette dans mes poches, c'est pas super pratique. Non, ça fait juste 4 mois et demi que t'as, que t'en veux une. Que j'en rêve. C'est ça, puis tu l'oublies. Mais c'est ton genre. J'ai couché en cuillère avec. Ah oui, hein? Ouais. C'est un petit peu paper cut, mais plastic cut à place. Ah, oh, c'est pas grave. Pas grave. T'as des plaies partout. Je peux te couper dans la face. Chérie, fais-moi mal, fais-moi mal. Aujourd'hui, à Assemblage Requis, Steph, on va voir la chronique de Charles-Antoine Rioux à 8h. Ça, c'est la chronique du club plein air UQTR. Ensuite, à 8h30, Frédéric Bernard va être de retour pour sa chronique Crackpot TV. Ça fait à date 2 séries qu'il met chacun sur notre liste, particulièrement toi pour la semaine passée avec HeroCorp. Oui, ben en fait, je suis déjà rendu à la deuxième saison, donc... Ça pourrait y jaser de ça tantôt, je suis sûr. Bref, on va continuer tantôt avec lui à 8h30. Ensuite, à 9h, c'est une grosse pointe en dresse. Ça, c'est ma chronique de fast-food où on goûte à un produit du commerce déjà tout fait, ben sain. Et après ça, on parle de nouvelles de fast-food à travers le monde. Coudonc, c'est donc bien une belle programmation, ça. Ah, ça s'appelle Assemblage requis. Hein, pas pour rien, les morceaux de qualité qui vont ensemble. Je pense que je vais rester aujourd'hui. Hey, merci, Steph. De m'encourager là-dedans. Puis autour de ça, en début d'émission, on va faire notre classique du mercredi qui est « Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a ». Génial! Fantastique! Et commençons en musique avec quelque chose de calme, même si on vient de se mettre de bonne humeur avec notre merveilleux générique d'ouverture. Écoutons Stereozor, c'est super bon. J'ai découvert ça un petit peu hier en l'écoutant, là, pas trop... Un petit peu. Juste un petit peu. C'est pas le poste d'écoute, là, mais je l'écoute un petit peu puis j'ai bien aimé ça. Voici Kaleidoscope de Stereozor au 89FM. Kafaou! C'est fou en anglais. Stéréosaure et Kaleidoscope. Pour faire un petit résumé à la poste d'écoute, là, parce que je l'ai dit, c'est pas le poste d'écoute qu'on fait le jeudi matin. Là, c'est juste un CD que j'ai écouté parmi le seul que j'ai écouté. J'irais, les tunes sont toutes pareilles, mais c'est pas mauvais. OK, mais c'est du bon semblable. Du bon semblable, tu sais. Non, c'est une mot beat, là. Ça groove, passe. C'est yeah. C'est ça que t'as dit? Yeah. C'est bon, yeah, ça groove, yeah, c'est yeah. C'est bon, c'est correct. Dépenser de l'argent, ouais. Oh, ouais, ça sort la carte de crédit. Vas-y. 5 ouais. Ça devrait pas. Oh, là. Oh, ouais, non. Oh. Ça existe, mais ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique des gadgets ridicules à acheter sur Internet, évidemment, comme on le fait tout le temps les mercredis. On commence avec un gadget pour simplifier, en fait, pour faire des raccourcis en utilisant les gestes de la main. OK. Des raccourcis sur l'ordinateur, genre. Hein, que vous travaillez sur un logiciel de montage 3D, sur Photoshop, du montage vidéo, vous connaissez vos raccourcis par cœur. Tu sais, les copier-coller, ça va, là, mais il y en a des plus évolués que ça un petit peu. Donc, c'est essentiel d'avoir des raccourcis pour travailler bien, parce que sinon, c'est long de faire des menus déroulants, puis des clics droits, etc., si on veut. Donc, c'est là que Flow pourrait vous aider. Flow, F-L-O-W. Ça a des sensors qui vont détecter la position de ta main avec une grande précision, vous permettant de contrôler vos applications comme vous le voulez. C'est un peu une Kinect. C'est un peu une Kinect des raccourcis. Très bien dit. Donc, Flow, c'est complètement personnalisable pour l'utiliser comme vous le voulez. Les développeurs ont créé des raccourcis pour 30 applications comme Autodesk, Rhinoceros, une affaire de 3D, YouTube, Spotify et plusieurs autres. Imagine, YouTube. YouTube, t'écoutes des vidéos puis tu passes à la prochaine vidéo recommandée ou tu recules de 30 secondes. Faut que tu fasses le canard. C'est ça. Ça change de vidéo. Tu mets le doigt devant, tu mets le doigt derrière. Spotify, où t'écouterais de la radio en streaming, Spotify, tu pourrais dire j'aime celle-là, j'en veux plus de même, je l'aime pas celle-là, skip-moi ce genre de musique-là. Avec thumbs up et. Genre, tu sais, c'est de la précision, c'est ce qu'on nous dit. Donc, chaque raccourci peut être paramétré, personnalisé pour vos besoins finalement. Donc, Flow est de plus en plus utile plus vous l'utilisez. Il y a une source libre, ce qui veut dire que les développeurs de Flow, ben, ça peut être vous. Si vous avez envie de développer pour le logiciel. Donc, ça pourrait amener encore plus de raccourcis pour différentes applications. 99$ de pledge, donc c'est sur... pas la canette là, pour les meubles en bois. Mais on vous demande de l'argent sur Indiegogo. Ça va être envoyé en juin 2015. Je trouve ça vraiment cool puis je trouve pas ça si dispendieux que ça pour ce que ça peut t'apporter. Et en plus, c'est cute pas mal. Tu trouves pas? Ben... un beau petit disque d'aluminium brossé, hein? Bon, on dirait une pile. Tu sais? Tu sais, les piles plates, là, mettre des montres. Là. Mais en plus gros un peu, je pense, mettons. Ouais, ouais, genre en format sous-vert. Ouais, sous-vert, entre un sous-vert et une rondelle, genre de... Non, c'est plus gros qu'une rondelle. Plus gros qu'une rondelle, ouais, ouais. Mais moins épais, un peu. Ouais. C'est entre les deux. C'est comme une rondelle que t'aurais 5 ans coup de poing dessus. Exactement. Ça aurait changé de couleur. Oui. Aussi. OK. Et ce serait, ça aurait changé de matériaux aussi. Aussi. Et plein de choses de même. C'est aucunement comme une rondelle de log. Ensuite, c'est plus qu'une rondelle de glace. Non plus. Ou une rondelle Sheridan qui jouait dans That's So Raven à Vrac TV. Sheridan, c'est pas de l'alcool au café, ça? C'est pas un hôtel, c'est aussi? C'est un mélange de crème. Non, c'est Sheraton. C'est Sheraton. Tout mêlé. C'est comme une rondelle. Bon, donc ensuite, mettons que t'as un téléphone cellulaire. OK, ouais, ça arrive. Jusqu'à maintenant, on se croit. Ça a l'air vrai. C'est legit. Mais tu manques de piles de batterie. Ça arrive aussi, ouais. T'as pas ta rondelle de charge pour charger ton téléphone. Donc, il te faut cet appareil qui va charger ton téléphone avec ce qu'on a tous à la maison. Hein. On a une multitude de piles carrées, t'sais. Non, j'ai jamais ça. Jamais j'ai ça non plus. Quand j'en ai besoin, il faut que j'aille au magasin, il faut que j'aille me payer ça à 7$ la batterie à chaque année ou deux fois par année. C'est non, j'ai jamais ça. Mais si mettons t'en avais une cargaison, s'il y avait un spécial chez The Cost Company, ben tu pourrais Ou Target. Chez Target, exactement. C'est ça, va à liquidation de chez Target et puis achète-toi un paquet de piles 9 volts et recharge ton téléphone. Des fois tu peux en avoir dans le tiroir peut-être, une fois de temps en temps. Quand t'achètes un paquet de 4, là, tu te ruines à 50$ le paquet de. Quand est-ce que le prix de ça va baisser? Des piles? Ouais. 9 volts, jamais. Bref, qu'est-ce qu'on disait? C'est ça, c'est Plan V. C'est le nom du produit. On fait quoi avec ça? qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un petit dongle, un petit ajout qui va se brancher dans la prise de votre téléphone cellulaire, comme une prise Lightning pour iPhone ou etc. etc. Et c'est un petit gadget en plastique qui est refermé sur lui-même, comme une pince, mettons. Et tu vas ouvrir la pince, et dans la pince, il y a des prises à batterie 9 volts. Ah, tu mets ta batterie de bout là-dessus. C'est exact, et ça recharge un peu ton appareil cellulaire. Un peu? Un peu, ben, en fait, c'est pour une période, t'as un peu... Si tu manques d'électricité principalement, qui dit ça, je pense même pas que ça le recharge au complet. Je pense pas, mais c'est assez petit pour transporter sur un porte-clés et ça coûte seulement 12$. C'est sur Kickstarter en ce moment, ils attendent le financement complet. Il y a une version micro USB pour les téléphones Android et autres, et il y a la prise Lightning. Pour l'instant, ils sont encore loin du but. C'est tout petit comme appareil, pour vrai, sur le porte-clés, ça paraîtrait pas du tout. Ils l'ont dépassé leur but depuis l'article. Caroline, l'article n'est pas si lointain dans le passé, mais bon, ils sont rendus déjà à 110 000 sur 30 000$ australiens. Ça va très bien. C'est terminé. Ça a reçu ses fonds. Ça s'est fundé au complet le 24 décembre dernier. Ah, c'est pour ça, c'est des restes d'avant fête. c'est ça. Ça a fonctionné plein de vie. Il y a une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Mais je pense que je pourrais voir dans quelle situation ça pourrait être pratique. Par exemple, t'es en voyage à l'extérieur dans une ville étrangère, t'es à pied, puis là, soudainement, t'es perdu, mais t'as plus de batterie dans ton téléphone, mais ça peut... te sauver juste le temps de trouver un endroit où aller pour recharger ton téléphone ou retrouver ton hôtel ou quoi que ce soit. Ouais. Donc ça peut comme démerder à court terme. Exact. Ou si t'es à l'hôtel justement, peut-être que tu pourrais voler la batterie du détecteur de fumée temporairement. Mais ouais. Pour répondre à tes messages d'urgence puis la remettre. Ouais, dedans. Mais si t'es à l'hôtel, là, t'as juste à plugger ton téléphone dans le mur. C'est vrai ça. C'est vrai. je trouve que c'est un avantage particulier pour les gens qui aiment bien ça, le petit buzz de quand tu mets la langue sur la batterie 9 volts. Fait que tu traînes ça pour le buzz. Quand ça sèche, il y a bien des gens qui trippent là-dessus. Arc. C'est un fétiche, hein? Je suis sûr. Sûrement que j'invente des enfants. Ensuite, tiens, si vous voulez faire du surf et vous manquez de vagues dans la vie, vous savez pas trop où aller pour avoir des vagues, dépendant du moment de l'année. Donc, c'est un bateau qui va produire des vagues à l'arrière. Des vagues parfaitement formées pour faire du surf sur les lacs et des rivières. OK. Un bateau en tant que tel qui coûte 109 000 $. Le bateau. OK. C'est le wave making boat. Ah. Hein? T'en veux? Il y a un? Aussi ce qu'on appelle la patience. Puis il y a des endroits où tu peux faire du surf intérieur. Oui. Déjà beaucoup moins dispendieux que ça. C'est vrai. C'est par Mastercraft, c'est le X23. Incroyable. Ensuite, vous êtes un adulte, mais vous agissez comme un enfant. Ouais, tu parlais à moi. Je te parle à toi, c'est à toi. T'es à moi aussi. On est des adultes, mais des fois on agit comme des enfants et des fois on a de la difficulté à prendre soin de nos affaires. On piche nos écouteurs un petit peu partout, puis là, ben étrangement, les fils pètent, les écouteurs cassent, les mousses s'effritent, n'importe quoi. Donc, c'est des écouteurs de mousse. C'est la compagnie Marblue qui nous arrive avec les headphones pour adultes. C'est des headphones pro, hein, qui sont plus gros, donc pour la plupart des têtes, d'adolescents à adultes, avec contrôle audio et microphone sur le cordon, sur le fil, pour faire des appels téléphoniques. Il n'y a pas le limiteur de volume qu'on retrouve dans la version pour enfants, parce que pour les enfants, et pour pas qu'ils se pètent les tympans, on a un max de volume. Puis nous autres, c'est pas grave. Nous autres, c'est pas grave du tout. On est capable de gérer ça nous-mêmes. Vous ne nous direz pas quoi faire, on est adultes, on s'entend. Donc, c'est fait d'un seul morceau de Eva Foam, qui est une mousse non toxique, sans BPA, pliable, légère, confortable et presque indestructible. Les Headphones Pro sont disponibles en trois styles. Racer, avec un châssis noir et des détails hot red. Boutique, qui est mauve chic, avec quelques petits accents de rose de hot pink. Et le modèle Sport électrique, vert néon, avec quelques notes de hot blue. Les Marblue sont suggérés à un prix de 29,99$. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tant que tel, je veux dire, c'est pour utiliser ça pour juste aller te promener puis écouter de la musique dans la rue puis tu sacs ça dans ton sac à la fin de la journée ou en arrivant au bureau puis tu t'en fous. Ouais, ben tu sacs le fil là-bas comment? C'est génial. Toi, tu prends les vertes? Je vois les noires vraiment belles. Ah ouais? Mais c'est vrai que les vertes sont belles aussi, mais les noirs. Je te verrais plus avec les vertes, me semble que c'est ton vert, ça. Oui, c'est mon genre de vert. Ouais. C'est un des seuls verts que j'aime, en fait. Si tu veux bien choisir un vert, c'est pas mal celui-là. Un verre d'eau, un verre de terre. Ah, OK. Ah, un verre de terre, ouais, un verre de terre. Un verre de poème, là. Ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ou un virage vert. Un virage vert. Vers l'horizon, comme vers quelque chose, ouais. Ça va aller. C'est bien correct, ça. Ensuite, quand on va à l'expo ou n'importe quelle autre foire, comme on appelle, on aime les petits jeux des fois qui sont impossibles à gagner. Hein? Mais des fois, on aimerait pouvoir les utiliser chez nous, à la maison, hein? Pour pouvoir se pratiquer puis peut-être gagner un gros toutou l'année prochaine. Ben ouais. C'est une très, très bonne idée. Donc, c'est un cadeau peut-être parfait pour une fête pour enfants, mettons. Hein? Non, c'est un jeu à deux joueurs qu'on retrouve dans les parcs thématiques, les foires d'attraction, les parcs d'attraction et les foires alimentaires. Tout ça, c'est comme deux affaires différentes. J'ai comme mélangé les parcs. Donc, c'est un arcade aussi en même temps. Qui va défier les joueurs à éteindre les feux, juste des feux, en tirant des jets d'eau à partir de leur petite bonne fontaine, jusqu'à des fenêtres en feu. Donc il y a des lumières qui clignotent, le score qui est affiché, des sons d'arcade, une thématique de pompiers. Donc le jeu présente aux joueurs quatre fenêtres qui vont s'illuminer au hasard pour indiquer qu'elles sont en feu. C'est un whack-a-mole, mais avec de l'eau. Whack-a-mole, là, je suis imbattable. Imbattable? Je suis imbattable. T'es comme The Brick. Imbattable? Imbattable. Mais je suis beaucoup plus sympathique. Que Brick. Tu téléphones pas aux gens pour leur dire « Hey, j'ai quelque chose à te vendre. » Non, je fais jamais ça. Surtout t'as acheté une affaire, là. Mais si je gagne contre toi à Whack-a-mole, tu vas en entendre parler pendant plusieurs mois. Tu vas me laisser des messages sur ma boîte vocale. Je te rappelle que je t'ai battu. Bye! Ouais. Non, pas de politesse comme bye. Je te rappelle que je t'ai battu. Mais oui, pourquoi bye? Pourquoi bye? Pourquoi de bonjour? Bye, voyons. Ensuite, toujours dans les gadgets inutiles à acheter sur Internet, c'est une petite maison sur roues. OK. Quand vous avez besoin de maison transportable. C'est une roulotte, finalement. C'est une mini-roulotte, mais en apparence de maison. D'apparence, ah, okay. C'est une maison. D'apparence qu'on peut y habiter dedans. Hein? Donc, pour 65 000 $, c'est une petite maison sur roues. Va être parfaitement confortable, même malgré sa petite grandeur, avec un design ultra fonctionnel, nous dit-on, qui profite de chaque racoin pour vous donner tout ce dont vous avez besoin. Ça s'appelle tinyheirloom.com. Ah, et en plus, c'est « Home is where you park it ». Tu sais, comme le slogan « Home is where the heart is », donc la maison est là où le cœur est situé. Mm-hmm. En anglais, c'est ça. Et donc ici, c'est « La maison est là où vous la stationnez ». Votre maison, votre demeure est là où vous la stationnez. Bon, ça doit pas être légal partout là, de stationner sa maison. Ah, ça, c'est une bonne question, par exemple, parce qu'évidemment, sur le site web, ils vont pas se vanter de l'illégalité de la chose, mais on voit dans sur les photos sur le site tinyheirloom.com, un couple... tout ce qu'il y a de plus hétérosexuel consentant, se coucher dans un lit qui est quasiment touchant le plafond. D'apparence, comment le cogner à la tête là-dessus, moi, là? C'était mentionné dans un paquet de publications de grande classe. Donc, tinyheirloom.com pour 65 000 $. C'est beau, mais c'est petit, hein? 65 000... C'est confortable. C'est douillet. C'est cozy. 65 000, t'as une maison au complet normale en Gaspésie. Mais tu es portative. Mais t'en as pas besoin. Peux-tu quitter la Gaspésie? Je suis tellement pas nomade. Non, hein? T'es sédentaire. Zéro, vraiment sédentaire. Ouais. Ben justement, tu pourrais rester à la maison et regarder ton calendrier perpétuel, Steph. C'est quoi ça, un calendrier perpétuel? C'est un appareil absolument à la mode, tout à fait moderne, joli et tout à fait écologique. Une façon de savoir quelle date on est sans avoir à acheter un calendrier à chaque année. Même si vous faites comme la semaine passée quand on a mentionné nos calendriers des années passées, de 2010, 2009, etc., achetés sur Internet. Ouais. Parce qu'on peut en acheter encore, ben oui. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Mais à la place d'acheter votre ensemble de, je sais pas, je pense qu'on a comme moins d'une dizaine, il me semble c'est comme 7-8, il me semble, variété de calendriers qui se répètent tout le temps d'année en année, c'est comme ça. À la place, c'est un calendrier, je dirais pas physique, mais plus... bougeable et modifiable en temps réel. Une horloge solaire. C'est un peu comme une horloge solaire et ça a l'air fait super solide. Je sais pas si c'est en acier inoxydable ou quelque chose comme ça, mais c'est un design du Museum of Modern Art à New York. C'est un calendrier dynamique qui vous dit la date et s'ajuste pour qu'on l'utilise d'année en année. Donc c'est un peu comme une balance chez le médecin, les balances avec poids contre poids, je sais pas trop quoi, là, ils tassent une petite aiguille, bon, en métal. C'est un peu la même chose et il y a une petite bille attachée à un fil de métal ou peu importe d'acier qui va pointer le mois. Ensuite, une autre petite bille qui, elle, va être... dans le fond, c'est sur un cercle, l'aiguille, comme une horloge. Au milieu, t'as une règle, si on veut, en acier horizontal. Et l'autre bille, elle, va donner la date. Et donc, dans le fond, la bille est comme entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Ça veut dire que ça serait septembre avancé, c'est ça? Exactement, t'es comme à mi-septembre. OK, c'est ça. C'est un peu comme l'heure, là. Ça va pas switcher septembre, clac, octobre. Là. Ça y va graduellement. Ça se rend graduellement, comme les engrenages d'une horloge. Pour vrai, c'est particulièrement bien fait. Ben, intéressant. C'est pas laid, là. Ah, c'est même, ouais, je dirais, particulièrement intéressant visuellement. Il y a des petites billes en acier, je trouve ça très joli. C'est présentement non disponible sur Amazon, mais sachez que son prix habituellement serait de 50$, ce qui est vraiment pas cher, je trouve, pour quelque chose aussi beau. Ben ça, tu fais parler les gens quand ils arrivent à la maison. Ben, c'est cool. Pour vrai, c'est cool. C'est jamais la date exacte, mais au moins, c'est beau. Ben oui, tu le vois quand même bien, je trouve. Si tu peux deviner entre le 14, le 15 et le 16, tu sais, t'es bonne quand même, je trouve. Mais le seul problème, je te dirais, c'est que tu vois pas la journée de la semaine. Ah, bon point, bon point. Ce serait peut-être le seul inconvénient. Mais sinon, c'est bien parce que souvent, il y en a qui ont des calendriers, il faut que t'enlèves la page à chaque jour. Ouais. Où j'avais la chez une de mes amies quand on était jeunes, c'était un calendrier et tu devais comme en plastique, puis là t'avais la journée de la semaine, le mois et la date, mais à chaque jour, à chaque matin, il devait déplacer le petit curseur, ouais, pour savoir quelle date on était. Mais si tu l'oublies un matin, puis t'es faite là. Exact. Exact, c'est comme chez Desjardins avec leurs petits blocs, leurs petits cubes qui virent de bord, ouais, pour, ouais, les dates, c'est ça. Ou sinon c'est moi c'était une souris dans un truc de tissu, dans des petites pochettes de tissu. Plou plou, tu tassais la souris. Ah ouais? Plou plou plou. Je pense que c'était plus un calendrier de l'avant, mais c'était cute pareil. Oh, c'est cute. C'est cute. Il n'y a pas tout le mois complet parce que c'est jusqu'au 25. Mais ça fonctionne par lévitation magnétique. Donc la balle est suspendue dans les airs et tassée manuellement pour déménager. D'après moi, je pense qu'il fallait aller plus loin que l'article pour vraiment avoir la vérité. Puis là, je viens un petit peu nous contredire dans notre bonheur. Là. J'espère que ça va pas trop descendre ton niveau de bonheur. Quoi? Mais je pense qu'il faut pas mal tout tasser manuellement. Ben là. Ouais, c'est ça. Je crois. Ben, ça donne rien. Polymère et aimant. C'est ce que j'en comprends. Mais bon, j'irai pas plus loin que ça dans ma recherche, mais il y a peut-être pas d'engrenage. Peut-être pas. Ben là, ça donne rien d'abord. Ouais, c'est ça. Je pense que ça vient de nous défaire un peu notre plaisir. Oh. Ah, c'est déprimant. Ah, vive les sources des articles. Ensuite, pour attacher vos câbles ensemble, c'est le Soba Cable Director que je trouve particulièrement bien. Vous savez, des fois, on utilise différents matériaux là, pour polir ces fils ensemble, que ce soit des tie wraps, que ce soit des attaches poubelles, des attaches en caoutchouc avec un truc de métal. Des fois, des petits velcro. Des affaires comme ça, c'est bien le fun. Mais le Soba Cable Director de chez Blue Lounge est une façon plus simple de démêler vos variétés de fils entre votre bureau dans les coins les plus sombres qui ramassent les toiles d'araignée, hein, qui ramassent la poussière. Donc, le tube est fait sur le long, un petit genre de zip au milieu du tube pour permettre d'insérer vos fils, les extraire aussi facilement. Le zipper peut aller dans les deux directions, si je comprends bien, et ça va, ça peut mettre jusqu'à trois fils ensemble. Donc, le Soba Cable Director qui vient aussi avec des petits capuchons pour les monter sur un mur, sur le bord d'un mur, dans les coins, etc. Et ça inclut 10 pieds de tube Vortex, un outil zipper Vortex pour ouvrir et défaire, deux capuchons pour les bouts, puis un paquet d'autres affaires comme ça, je sais même pas les termes, qu'est-ce qu'ils veulent dire, un split en Y, ça va, 5 élastiques, ok cool, donc le Soba Cable Director qui peut être acheté chez Blue Lounge pour $24.95 en noir ou en blanc. Il y a une petite vidéo de démonstration dans l'article. Je suis totalement fasciné, je regarde ça présentement là, puis c'est vraiment génial. C'est que le zip s'ouvre des deux bords, tu peux faire sortir un fil à une jonction à un moment donné si tu as besoin de faire sortir un fil dans le milieu du zip. Ouais, c'est parfait. C'est quand même assez bien fait. Donc le Soba Cable Director. Ah wow, mais pour vrai je capote, t'as même des petits autocollants là, que tu peux coller ton fil là, tout le long pour que ce soit bien bien propre là. C'est parfait. C'est professionnel. T'as l'impression d'avoir fait un CLC par un expert. Et tu peux rejeter un fil facilement n'importe quand. C'est ça, parce qu'on peut ouvrir de n'importe où c'est parfait. Le truc à zipper. Il n'y a aucun inconvénient. Aucun. C'est pas comme l'autre avant. Non, c'est ça. Ça vient pas nous défaire notre rêve. Ensuite, on a décidé de ressortir un vieux Game Boy. C'est Zane Amiralis et Joshua DeHaan qui donc ont sorti leur vieux Game Boy et lui ont donné une petite mise à jour pour pouvoir devenir un petit peu plus moderne, en fait. Même si la technologie des jeux de Game Boy, les graphiques et le son ne s'augmentera pas de qualité. Moi, je trouve ça très parfait. Là. Mais c'est le HDMI Boy, comme dans HDMI, là, mais avec un Y pour Game Boy. Pour moi, le boy de Game Boy. Donc, HDMI Boy. C'est une modification matérielle qui upscale la qualité de la vidéo qui sort de cette console de jeux vidéo portable pour la rendre en haute définition, pour la regarder, le jeu, sur un câble HDMI ben, branché dans une TV. Mais voyons donc! C'est comme le Super Game Boy dans le temps qu'on branchait sur le Super Nintendo pour pouvoir jouer à ces jeux de Game Boy. C'est la même affaire. Donc, le HDMI Boy Kit vient avec un tournevis Tri-Wing, parfait pour défaire les consoles comme il le faut. Ensuite, vous avez besoin de modifier votre Game Boy. C'est avec une réplique et non pas une vraie manette de NES, donc la Nintendo Entertainment System, parce que ça avait les mêmes boutons qu'un Game Boy, mm-hmm. soit flèche Start Select AB, c'est pas mal tout. Donc pour jouer sur le grand écran, HD My Boy vous permet de choisir entre deux résolutions, 1120x1008 pour le mode scale, donc proportionnel, ou encore 1920x1008 en mode étiré, ce que évidemment jamais je ne conseillerais à un jeu vidéo. Quand même pas. Et ça vous permet de changer un peu comme sur le Super Game Boy. D'après moi, c'est inspiré de ça. La palette de couleurs. Parce que les jeux Game Boy, pour ceux qui sont pas au courant, c'était en genre de vert-jaune, si on veut. C'est comme un noir et blanc, mais verdâtre, jaunâtre. Sépia, genre. Quasiment du sépia. Fan d'Instagram, vous allez comprendre. Tu sais que ça existait, sépia, avant. Ben non! Arrête-moi ça, tu défais mon rêve. Donc, vous pouvez changer la palette de couleurs pour, par exemple, jouer en mauve et rose, mettons, si ça vous intéresse. En fait, c'est pas mal ce qu'ils ont fait dans la vidéo qu'on peut regarder sur assemblagerequis.com. Le seul désavantage de ce mode, de cette modification de console, c'est que c'est assez cher. Vous allez devoir pledger $140 américains sur Kickstarter pour recevoir votre HD My Boy en récompense. Mais ça te donne quoi, là, si tu payes $140? Le $140 en particulier, je te dis ça dans trois instants. C'était quoi le prix d'origine en euros? 115. OK. Donc 115 ou plus, il y en a 100 et sont tous vendus en ce moment. C'est le spécial Hurley Bird Full HD, c'est le module HDMI, la télécommande NES copiée un petit peu, si on veut. Uh-huh. Le tournevis pour l'installation et un crédit dans le générique de la de l'écran de veille du My Boy. OK, donc ça te prend... C'est quand même cool, ça? Ouais, vraiment. Mais ça te prend ton Game Boy déjà. Ça te prend ton Game Boy déjà. C'est ça. Exactement, j'avoue, pour le prix, ouais, c'est ça. Mais un vieux Game Boy, ça coûte quand même assez cher sur eBay. Ouais, puis moi, je sais pas le mien où il est rendu. Non, c'est ça. C'est vraiment dommage. Ouais. Kickstarter, c'est le projet HD My Boy. Ensuite, je pense qu'on va terminer là. C'est tout pour ça, mais ça devrait pas. On finit sur une très bonne note, je trouve. Ça finit bien. Ouais. On aime ça. On s'est brisé quelques rêves, mais entre-temps, on s'en est créé d'autres. Exactement. Hey, c'est le même qu'on aime ça. Voilà, donc les liens sur assemblagerequis.com pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Dans quelques instants, Charles-Antoine Rioux vient de nous rejoindre pour la chronique du Club plein air UQTR. Malade. Malade débile. Tu capotes. Ça n'a pas l'air. Fourette. Hey, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va exploser, je pense. Pow! Pow! Qu'est-ce que c'est là? Salut, c'est Danny Placard. Vous êtes sur les ondes de C'est fou. Oui, oui, c'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. À Assemblage requis, on s'est mercredi 21 janvier 2015, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On a Charles-Antoine Rioux en studio, on n'arrêtait pas de parler de Game Boy. C'est génial. Ah, c'est malade. Je pense qu'on est tous de la même génération Game Boy. Ah, je pense que oui. Ouais. Moi, c'est l'Advance, mon préféré. T'as connu ceux avant. J'ai connu ceux avant. J'ai eu le premier aussi, comme Steph disait. Ben oui. Le gris, la grosse brique ben grise. Oui. En 89-90. Il faudrait que j'essaie de trouver... Il est rendu où? Oh. Je suis comme soudainement okay. Appel à nos auditeurs, si jamais vous êtes la personne qui a le Game Boy à Stéphanie. Allez, on va essayer de l'avoir. C'est ça, parce qu'elle rachètera pas ça sur eBay. Là, ça non, vaut non. Comme au-dessus de plusieurs centaines de dollars. Moi, j'avais la version, la même brique, mais transparente. Ça, c'était cool. Non, pas tout. Moi, c'est mon frère qui l'avait eu. Puis évidemment, dans ce temps-là, on se partageait toujours les cadeaux. T'sais. C'est un qui l'avait, mais c'est pour les deux frères. Fait que moi, j'ai eu l'autre d'après, le color, le vert kiwi. Vert kiwi, ah, ouais. Kiwi. Ouais, c'est la génération où il y avait plein de couleurs. Ouais, coup. C'est ça, t'avais le choix. Ah, cool. Moi, je l'avais usagé, là, mon Game Boy. Ah, là. Ouais, ok. Oh, oui, il l'avait acheté au petit gars qui restait à côté. Ah, non, ouais, non, moi, c'était tout neuf. Ce soir-là, j'ai eu le Game Boy Color, je l'ai eu jaune. Ouais, le jaune kiwi. Jaune serein, genre, plus. Non, jaune kiwi. T'as pas le même kiwi que moi, mais ouais. Ah, ben l'oiseau, mais en tout cas, c'est pas grave. Ah, le kiwi, l'oiseau. Ah, ben ça, pourquoi le fruit ne s'appelle pas? Pourquoi est-ce que le fruit est vert? Pourquoi c'est pas compatible? Pourquoi le ciel est bleu? C'est un petit peu plus la forme que la. Fait que l'oiseau, il est en forme de kiwi? Ben oui, il est comme tout arrondi puis poilu. Quand tu le coupes, il y a des points noirs en dedans. Puis il fait coincer les joues un petit peu des fois. Bref, la raison pour laquelle on parle avec Charles-Antoine Rioux, c'est parce que c'est le moment de la chronique plein air du Club plein air UQT. Effectivement. On s'est garé un petit peu. Ouh, est-ce qu'on saute en bas de la pente? La pente, on sautera pas, c'est un peu... Pas dangereux, hein? Pas dangereux. Bon, gestion de risque, gestion de risque.

Summerland et le nouvel extrait du palmarès pour commencer encore loin de toi. Et on vient d'entendre l'extrait Portland sur l'album 2012 de Summerland. Oui, c'est bizarre, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que son album s'appelle 2012? Ben parce qu'il est déjà fucké dans la vie, faut pas trop poser de questions, c'est des artistes. Donc l'album s'appelle 2012, mais vient de sortir en 2015. Maintenant, on a un léger moment avant la prochaine chronique. C'est cool. Parce qu'une fois de temps en temps, non mais c'est vrai, une fois de temps en temps, on aime ça, écouter les musiques des chroniques d'Assemblage Requis ou de tout ce qui se rapproche de l'univers Mathieu Plante. Et quand on fait ça, on appelle ça les paroles des autres. Le volume de Mathieu. Voici, on écoute la musique thème de la chronique et de l'émission C'était fou. Musique thème de la chronique C'était fou et de l'émission. Avant ça, c'était fou parce qu'avant d'être une chronique, c'était une émission, faut le dire quand même. Je te jure. Donc, la pièce, c'est See You Auntie, que je traduis par A plus Tantine. Artist of the Year, vous les connaissez pour leur musique d'intro et de fond pour les palmarès C'est fou. C'était ça a toujours été du Artist of the Year depuis que j'anime cette émission-là. Et donc, Artist of the Year, étant donné que C'était fou, est techniquement un dérivé des palmarès C'est fou. C'est le même artiste. Pour moi, ça compte dans le même monde. Et quand c'est devenu une chronique, ben, c'est juste resté. Donc, retrouvez-la. C'est sur l'album Glauque Volume 1. Un album un petit peu moins connu de Artist of the Year par rapport aux autres. Là, évidemment, il faut relativiser que c'est connu dans l'underground musical québécois. Ouais. Mais Glauque Volume 1, c'est un petit maxi de 6 chansons très, très sombre, d'où le nom Glauque. C'est beaucoup moins up la vie que leurs autres albums de Artist of the Year, dont leur très récent disque, la trame sonore du jeu Shape Up sur Xbox One. Oh. C'est eux qui font ça. Et vous risquez d'entendre, évidemment, ces musiques de Shape Up dans les prochains mois, dans les palmarès C'est fou. Bien sûr, parce que c'est là que tout Artist of the Year se rassemble. C'est notre main de maison au palmarès C'est fou. Ouais, oui. Si on veut. Donc voilà, Artist of the Year et See You Auntie dans la chronique Les paroles des autres, chronique dans laquelle on écoute la musique d'une chanson ou d'une émission ou d'une chronique dans l'univers Mathieu Plante. Voilà. On est rendu à la prochaine pause avant de pouvoir accueillir notre ami Frédéric Bernard et sa chronique Crackpot TV dans quelques instants à son âge requis. Salut, c'est Danny Placard. Vous êtes sur les ondes de C'est fou. Oui, oui, c'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours, j'allais dire, vous écoutez toujours, mais c'est vrai, c'est aussi. Vous écoutez toujours Assemblage requis en ce mercredi 21 janvier 2015, et Stéphanie Paradis. Oui, c'est Mathieu Plante. Oui, on est à quelques instants de la chronique Crackpot TV de Frédéric Bernard. Oui, mais avant, j'aimerais vous confirmer que les pommes empirent, c'est vraiment bon. Les pommes empirent? Ouais, ouais, ouais. Ça va pas de mal en pire, hein, comme non. On dit. L'expression, c'est de mal en pire. Hein. Ouais. T'en parles dans une chronique à un moment donné, as-tu fait ça? OK, non, oui. Oui, oui, ouais, je prends ça en note, là, ouais, je mets ça à l'agenda. Ouais, là, ouais, j'aime de l'écrire. J'ai rien que ça à faire, là, tu sais. De noter tes... Faut que tu le notes, hein? Ouais, ben là, là. C'est un peu long. Je veux t'entendre taper, là. Tape bien fort. Merci beaucoup. Mais avant ça, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe aujourd'hui au carnaval. Il était une fois le carnaval étudiant. Une présentation du CAPS UQTR. Quoi de mieux pour débuter ton mercredi matin qu'un peu de mise en forme avec du CrossFit? À midi, tu pourras encourager la Société canadienne du cancer et participer au photomaton. Défi? Qui a dit défi? Montre-nous ton courage et relève les défis les plus écœurants de 14h à 15h. Continue dans ton élan tout de suite avec la course de bolide. Le repas est servi. De 18h à 19h, tu as la chance de goûter à des mets culinaires dignes des chefs ramisés de ce monde, préparés par les assos. À 18h30, ce sera le moment de venir encourager les patriotes de l'UQTR en faisant le plus de bruit possible au CAPS! N'oublie pas de remplir la quête des gnomes durant le rallye nocturne de 20h30 à 7h. Termine ta journée en beauté avec le tournoi de beer pong qui commence dès 21h30. Au Carnaval étudiant, viens créer ta propre histoire. Mais là, il restait 30 secondes sur le CD. Il reste encore 30 secondes là en ce moment. Fait qu'il faut comme remplir pendant les 20 dernières secondes. le carnaval étudiant. Bien, bien, soyez ta présents. Propre histoire, ouais. Nouveau slogan. Bravo. C'est le moment d'accueillir Frédéric et Bernard. Voici Crackpot TV. Bernard, Crackpot TV, à chaque semaine on parle de télévision ensemble, on découvre une série, on rajoute ça sur la pile de DVD sur la table encore, puis c'est comme les collègues de lecture qu'on avait dans le temps, c'est comme jamais je vais réussir à passer à travers de non, ça. Non, moi j'ai commencé, j'essaie d'éclairer à mesure, c'est pas évident. C'est ça, tu vas vraiment en temps réel, tu sais. Oh, oui. Entre deux chroniques, il faut que tu tapes les quatre saisons d'une série qui te mentionne. Ça tombe bien, là, j'ai rien à faire cet après-midi, fait que sors-moi quelque chose de bon. Une saison de la première série, puis quatre saisons ensuite. Là, je vous en propose une, qu'on rajoute pas tant de saisons. Ok. Un petit peu. On rajoute un petit peu dans le chaudron, mettons. On va petit à petit. La semaine prochaine, je vais arriver avec une plus grosse. Interdit. Fait que 8 saisons, je pense, la semaine prochaine. 8 saisons? Genre, tapez-vous les 300 épisodes de genre Seinfeld, je sais pas combien. Les 700 de Pokémon. Ouais, c'est ça. Commencer au début de Pokémon. Et bon. J'ai recommencé pour le bien, justement, de la chronique, parce que oui, je me sacrifie. J'ai recommencé à... J'ai recommencé comme si je l'avais déjà écouté. J'ai écouté des épisodes de Game More Girl. Du mal à le prononcer. Ah oui, rappelez-vous de ça. Lorelai et les autres. Oui, oui, ça bon passait Dieu. À Canal Vie ou à Vrak TV, là. Ça va, oui, alors, à Vrak TV, dans le temps, je pense. Ouais, Vrak TV, ouais, ouais. Je pense que ça avait déjà pas, changé de nom. C'est pas super Vrak TV comme série, il me semble que c'était trop. Ça fitait pas dans le décor. Je sais pas, je regarde pas des affaires de filles. Ouais, c'est ça. Bon. Mais donc, t'as commencé ça pour la chronique, c'est ça, hein. Et non pas juste pour pouvoir voir la fille qui joue Rory, là. Ben, c'est pour voir la fille, pour être honnête. Ouais, mais c'est ma raison. Il y a aussi une raison que je regardais un peu bon ce que je vous avais proposé. On avait True Detective la première semaine, ensuite Hero Corp. On était dans des choses qui étaient, bon, si on doit catégoriser les séries, ce que je n'aime pas beaucoup, on est dans des séries qui sont très gars. Stéréotypiquement, ça fait quand même, c'est un peu, c'est la première, c'est assez trash dans un sens. La deuxième, on parle d'héros, on parle de super-héros. Pas pour t'offusquer, je sais comme ça. J'ai beaucoup d'amis. Je sais, je suis petit gars manqué, là, moi. Puis moi, je suis comme une fille sauf pour l'entregent. Ouais, c'est ça. À date, je t'ai pas rejoint, Mathieu. Non, là. Non, faudrait que tu parles de quoi? Hey, Carly? Oui, c'est ça, Victorious. Ah, ça, c'est gênant. Mais ouais, c'est gênant, mais je m'assume tellement. J'aime les émissions pour personnes un petit peu plus jeunes que mon âge. Il aime les émissions de jeunes filles. Carrément. Ouais, ouais. Bon, ouais. Ben, c'est ton Ramdam, tu sais, puis les affaires même, ça me touche. Ah oui, tu nous en avais parlé hier. Ouais, c'est ça. Oui, j'en ai parlé en ondes à l'impro, je pense. Bref, j'avais cherché une série, finalement, où surtout le personnage, un personnage féminin. Alors, beaucoup de séries qui vont se catégoriser. Pourquoi je catégorisais les premières comme des séries plus de gars? C'est qu'il y a beaucoup de diffuseurs qui vont rechercher des séries pour rejoindre un public féminin. Mm-hmm. Bon, pour ça, évidemment, ils vont mettre un personnage féminin en premier plan. C'est jamais des personnages, c'est toujours des histoires un peu... on va avoir souvent des histoires un peu à l'eau de rose qu'on va avoir dedans, un peu classique, un peu à l'américain pour essayer de rejoindre ça. Mais j'ai une série que j'ai ressortie avec un personnage féminin dans cette série-là, le personnage principal. Une série que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup d'affection pour cette série-là. Alors, je pense que ça tombe bien que j'en parle aujourd'hui. Ben oui, ben oui. Alors, cette série-là, c'est Orange is the New Black. Oh! On est dans le récent, on est dans la tendance pas mal. On est dans le récent, dans le très récent. Alors, diffuseur, c'est Netflix. L'année de production, c'est en 2013. Il y a deux saisons en ce moment de cette série-là. Il y en a une troisième qui s'en vient. L'idée originale, la scénarisation, c'est faite par Jenji Cohen. Les acteurs vedettes, c'est Taylor Schilling, Jason Biggs, Kate Mulgrew, Michael Harney, Laura Prepon. J'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il avait fait. That's 70 Show. Hein? Laura Prepon, exactement. C'est la rousse dans 70 Show. Exact. Ton genre, ça, Mathieu? Il y a mais des rousses? Non, mais oui, je l'aime depuis longtemps. moins récemment, elle vieillit pas. Et pas rousse dans ces séries-là. Non, rousse. J'imagine que tu aurais pas été beau avec le saut orange, de toute façon. Mais je l'ai pas reconnu. Je l'ai pas reconnu. C'est en faisant la recherche, vraiment, parce qu'elle a les cheveux noirs, des lunettes noires, puis elle est rendue très, très pâle. Ouais, ouais. Alors, c'est assez... C'est pas flatteur pour elle, mais bon. Ouais, c'est un rôle de composition, tu sais. Oui. Elle joue les filles qui sont pas attirantes. C'est un rôle de composition. Donc, alors, segment lecture, fait que comme à chaque fois, segment lecture, on va se partir ça tout de suite. On va se débarrasser de ça, puis ensuite, on va parler de la série. Parfait. On t'écoute. Le monologue. Le monologue. Alors, Piper Chapman semble être une femme qui n'a rien à se reprocher. Femme heureuse, un peu maladroite, en couple depuis quelques années, un travail stable et rentable, tout va bien dans la vie de cette jeune femme au début de la trentaine. Malheureusement, son passé la rattrape lorsqu'elle apprend que son ex-petite amie Alex Vos, qu'elle fréquentait dans sa passe lesbienne, est placée en détention pour avoir fait du trafic de drogue. Piper, qui l'a aidé il y a 10 ans à transporter de l'argent de la drogue, est aussitôt intercepté par les forces de l'ordre et condamné à 1 an de prison pour complicité dans les trafics de stupéfiants. À partir de cet instant, la petite femme fragile qui est Piper devra se forger un caractère pour survivre dans cette jungle cruelle qui lui fera vivre une foule d'événements. Tantôt drôle, tantôt tragique, Piper se transformera petit à petit pour devenir une prisonnière à l'image de ces gens qu'elle fréquente et se fera dès lors appeler Chapman. Elle devient ainsi un prétexte narratif pour nous faire découvrir la vie en cellule dans un milieu de femmes aux États-Unis, mais nous fera aussi découvrir le passé des autres femmes qui la composent. La série nous montre différents personnages avec leurs blessures qui doivent se fondre dans la masse pour ne pas être la cible des autres détenus ou des gardiens de sécurité qui ne sont pas toujours blancs comme neige. Oh! Alors, hey. C'est un peu le résumé qu'on pourrait faire de cette série-là. Un résumé personnel. Excellent. On le rappelle à chaque fois parce que des fois, ça peut ne pas être clair. C'était pas pour nous autres. C'est un texte écrit de ta propre main. Oui, oui. C'est un texte que j'écris selon ce que je pense qui est le plus nécessaire de parler pour essayer de rendre hommage le plus possible à ces séries-là. Des fois, comme par exemple pour la série Orange is the New Black, si on regarde sur Internet, souvent le résumé, ça se limite à Piper Chapman vit en prison avec des femmes. C'est, voilà. Unité 9 aux États-Unis. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Je vais le dire tout de suite. Unité 9, malheur à moi, je l'ai pas écouté. C'est ça. Mais je pense pourrais que c'est pas la faire même de chose. Comparaison. Non. Je pense vraiment pas que ce soit la même chose. On n'a pas vraiment la même intention. Avec Unité 9, c'est on va plus être du côté du drame, si on veut. C'est ça. Alors qu'ici, il y a un côté humoristique. Il y a la scénariste et veut faire de l'humour, veut faire de la comédie finalement avec cette série-là. Mm-hmm. Alors, comme j'ai dit, il y a 2 saisons, c'est des épisodes d'une heure, c'est 13 épisodes par saison. Ça s'écoute quand même bien, ça s'écoute rapidement. Surtout les deux saisons qui sont sorties, c'est 2 saisons que l'histoire s'écoute assez facilement. Il y a toujours une sorte de suivi de ceux de ces saisons-là avec Piper Chapman, qui est vraiment un prétexte, comme que je l'ai dit, pour voir découvrir les autres femmes qui sont dans cette prison-là. C'est pas l'histoire de Piper Chapman, c'est plus l'histoire de la prison. Chaque épisode, comment il est construit, c'est que chaque épisode, on va suivre une détenue un peu plus qu'une autre. Et cette détenue-là, en parallèle, on va suivre son histoire de pourquoi elle s'est retrouvée en prison. Okay. En fond. On va avoir des femmes qui vont avoir fait de la complicité plus dans des gangs de rue. On va avoir des femmes qui vont avoir fait des vols à l'étalage. Des femmes, on va avoir, entre autres, à l'intérieur de ça, une travestie. Alors, c'est un homme qui est devenu une femme par chirurgie, que son histoire est probablement, pour moi, c'est une donc des meilleures. C'est donc une transgenre, juste pour être sûr de que... Oui, transgenre, excuse-moi. Je me sentais obligé de le faire. Ah, c'est correct. Donc, vraiment, pour moi, c'est une des histoires les plus intéressantes qu'on va avoir dedans, une des histoires les plus touchantes qu'on va avoir, mais c'est vraiment pour montrer la multitude des personnages qu'on va avoir à l'intérieur de cette série-là. Fait intéressant, je sais pas si c'était dans tes affaires, puis je veux pas piler sur oui, oui, oui. Une transgenre jouée par une vraie transgenre. En oui. plus, c'est pas un rôle d'acteur, c'est un rôle d'actrice, pas vraiment, mais d'une vraie transgenre. Ah, c'est cool, ça. Ouais, très cool. Cette série-là regorge de plein de petites pépites, de petites intentions qu'on saisit pas nécessairement au début, qu'on voit qui passent un peu inaperçues, comme ça, si tu fais bien de le mentionner, ça passe inaperçu ouais. un peu dedans. On a l'impression que c'est 2 acteurs, parce que les 2 acteurs se retrouveront jamais vraiment dans le même plan. On va avoir... Bien évidemment qu'ils se retrouveront pas dans le même plan, c'est le même personnage. Donc vraiment, on va avoir des petites pépites comme ça. C'est comme dans mes sitcoms préférés où une actrice jouait 2 rôles en même temps, mais ils pouvaient pas se toucher. Fait que quand quelqu'un se touche, c'est genre on voit juste de dos. Oui, oui. C'est un double. c'est vraiment le fun. Comme Liv and Maddie à Rack TV. Hein. Ouais, des petites séries quand même de... Chipette, là. Genre. C'est pas comme genre Orphan Black, sont 8 pareils dans la même pièce. Non, non, c'est ça, c'est pas ma affaire du tout. Non, Liv and Maddie, c'est genre Disney Channel. Genre. Mon Dieu! Mais ça sera pour une autre chronique où je parle de sur Disney Channel. T'es abonné à Disney Channel? Je les vois tout. Est-ce que t'as Youpa? Non, j'ai pas Youpa. Ça, c'est trop jeune. Wow. Je sais pas. Trop jeune. moi, c'est 12 plus. Okay. Donc, la première saison, on va avoir une saison avec un ton un peu plus dramatique. Alors, pour ceux qui ont écouté la série, comme je dis, il y a plein de petites pépites. Au début, dans la première saison, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment énormément. Dans la deuxième saison, on revient plus à un côté plus léger, plus comique. Dans la deuxième saison, on sent vraiment qu'il y a un changement de ton. Que la première saison, il cherche un peu à l'écriture. Les gardiens, fait qu'on va autant avoir les détenus qu'on va suivre. Alors, c'est vraiment comme une société qui va se créer. Alors, on va vraiment suivre des détenus, leurs différentes gangs, un peu comme on voit dans les autres séries de prisonniers. Alors, les noirs avec les noirs, les latinos avec les latinos, les blancs avec les blancs. On va avoir ça qui va se créer. On va avoir... ils vont entrer en relation ensemble. Et bien sûr, on va voir les gardiens au travers de tout ça. Les gardiens qui vont vivre des choses dures. Un gardien en particulier qui va vivre des choses dures à l'extérieur de la prison et que ça va refléter sur son rôle, sur son travail à l'intérieur de la prison et donc sur les femmes qui s'y trouvent. Comme je vous l'ai dit, les gardiens ne sont pas toujours blancs comme neige non plus dans cette série-là, mais c'est de plus en plus populaire justement de prendre un peu une figure d'autorité puis de montrer que c'est pas nécessairement le bien comme on voudrait nous le montrer aujourd'hui dans la société. Ben cette série-là, ça y échappe pas. On nous montre, c'est ça, les différences de gang. On va nous parler justement de ces relations entre elles, les relations de pouvoir qu'on a dans la prison. Donc on va parler, oui, de chacune des femmes qui sont là, mais il y a vraiment une histoire qui va continuer à l'intérieur de la prison. Alors entre autres, le pouvoir, la cuisine, la cafétéria. On pourrait comparer ça comme l'endroit, si t'es à la cafétéria, que tu travailles à la cafétéria, t'as le plus de pouvoir. Parce qu'ils vont contrôler la nourriture des autres, dans le fond. Les croquettes de poulet. Oui, c'est ça. Fait que s'ils veulent pas que tu manges pas. Okay. Alors, ceux qui contrôlent la cafétéria vont contrôler la prison. Cool. Alors, c'est beau de voir ça et ça va changer de main au fil de la série. Ah. Alors, c'est intéressant de voir ça et de voir justement Chapman, qui est toujours notre personnage, notre pilier central, qui essaye de s'en sortir au travers de ça. Est-ce qu'à chaque fois qu'elle entre dans une pièce, elle fait genre « I'm a Chapman » Non, c'est même pas si on va même pas nécessairement faire des plans dessus, surtout dans la saison 2. Dans la saison 1, on la voit beaucoup, mais dans la saison 2, il y a des fois où elle va être en arrière-plan, elle va simplement manger ou faire une activité quelconque. Est-ce qu'elle mange un pot de crème glacée de Chapman? Ils ont dû faire la joke. Ils ont dû faire la joke. Je la recherche, mais je suis sûr qu'ils ont fait la joke à un moment donné. Donc, la vie en société, vraiment, qu'on va voir dans cette prison-là, l'univers dur et sale, un peu crade, on va les voir dans les douches, on va voir les femmes. Bon, ça reste que il c'est... Il y a de la nudité? Oui, il y a de la nudité. Okay. Beaucoup, beaucoup de nudité. Pas assez pour oui, moi. Il y en a. Ouais, c'est ça. C'est calme. Tu sais, après avoir écouté Game of Thrones, vous allez trouver ça calme okay. au niveau nudité, mais il y en a quand même. Fait que beaucoup de relations femmes-femmes aussi. Là. Okay. Fait que, dans une. Comme dans Unité 9, là. C'est ça, il y a un rapprochement. Exactement. C'est un peu la même chose qu'ils ont fait aussi dans Unité 9, de ce que j'ai cru voir. Comme j'ai dit, j'ai pas vu la série, malheur à moi. J'aurais dû l'écouter juste pour cette chronique. Oui, ben là, tu sais, je m'attends à mieux de toi. Là. C'est comme en une semaine. Je vais me forcer. Je m'attends sur une tape 3 saisons, je peux pas. D'une ténèbre, c'est sûr. Surtout qu'ils sont durs à trouver. Ah ouais, ils sont pas sur tout. Mais je pense que là, ils les ont remis sur tout TV. Sur tout.tv, t'as la saison 1 et 3, mais les droits, je pense qu'ils appartiennent pas à la même personne pour la saison 2. Ah ouais. Donc, ils ont des difficultés. Mais c'est. Okay. On peut le trouver sur, facilement sur les streamings. Sur le site de streaming. T'as regardé un. Non. Mais sûrement aussi. C'est pas en streaming. Non, je sais, mais aussi. Non, mais c'est parce que t'as un ratio. Entre les deux. Oh, mais c'est parce que t'as pas un bon ratio, là. Non, j'ai un excellent ratio. Non, je suis pas mon ratio. Non, moi j'ai un mauvais ratio. C'est pas mon ratio. C'est dans mes ratios 6, ratio 6. Ah, je suis ratio. T'es ratioïste. Moi je vois pas de quoi vous parler. Je sais pas de quoi on parle. Je décale les DVD. Oui, c'est ça. J'achète tout, je vous promets. Je vais constamment au Vidéotron. Oui, c'est ça. Croiser les petites. Oui. Les petites filles de plus de 12 ans. De plus de 12 ans. Oui. C'est ça. Des grandes fans de iCarly. Fais bien de le préciser. Merci. Monsieur, j'écoute. Caroline, que je me Disney Connell. Donc, comme j'ai dit, c'est une série qui est comique. Alors, c'est une comédie qu'on va faire autour de ça. Je ne devrais pas dire essayer de faire. Nous, on essaie. Eux, ils le font. Alors, c'est une comédie qu'ils vont faire autour de ça. Alors, c'est un humour qui est efficace, un humour qui est assez audacieux aussi. Alors, sur l'univers des femmes, comme ça, on va s'attaquer à différents préjugés. Alors, on va s'attaquer justement au racisme à l'intérieur de ça. On parlait de la transgenre tantôt. Oui. On va parler de ça, qui est nécessairement pas un sujet qui est facile pour faire rire et surtout de la façon que c'est montré. Je trouve que l'épisode, ils ont bien dosé dans cet épisode-là. Si je peux te donner tout de suite mon coup de cœur, finalement. Okay. C'est rare que j'ai un coup de cœur pour un épisode en particulier. Mais je dois dire que dans cette série-là, juste pour écouter cet épisode-là, ça vaut le coup. C'est le genre d'épisode où on finit d'écouter puis OK. Moi, en tout cas, ça m'a changé. Je voyais pas ça de même. Puis c'est vraiment bon pour une série qui se veut à la base comique. C'est provoquant pour faire changer des choses et non pas juste provoquant pour provoquer. C'est souvent, on va souvent comparer, ben j'y reviendrai, mais on va souvent comparer Genji Cohen à Nick Pozzolotto. Je sais pas si vous vous rappelez de Pizzolotto. C'est celui de True Detective. Ça. Exactement, ouais. C'est celui qui a écrit True Detective. Fait que on va souvent les comparer un à l'autre, okay. Là, au niveau de l'audace, entre autres. Ils ont un style complètement différent. Au niveau de l'audace, de ce qu'ils vont emporter, des sujets qu'ils vont décider d'aborder, c'est assez audacieux. La scénariste, Genji Cohen. Pourquoi je vous parle d'Orange is the New Black? C'est une série qui est assez connue sur Netflix. Alors, les gens qui ont Netflix connaissent Orange is the New Black. En promotion tout le temps parce que ça, c'est un peu, des fois, la raison pour laquelle les gens vont s'abonner à Netflix. Pour leur série originale, House of Cards, etc. Exactement, c'est une commande de Netflix, justement, qu'ils ont faite pour avoir cette série-là. Donc, oui, ils vont la mettre en premier plan. On la voit. Si je parle de cette série-là, on sait de qui je parle. Ouais. Genji Cohen passe un peu plus inaperçu malgré que c'est sa série à elle. Genji Cohen est pour moi une scénariste que j'adore. Alors, elle a un style d'écriture assez particulier. Et pourquoi je vous parle d'Orange is the New Black? C'est simplement pour vous parler d'elle. Ah, OK. Donc, laissez faire le reste, là. Oui, c'est ça. La série est bonne. Mais moi, je veux vous parler de Genji Cohen. OK. Je veux que tu m'en parles aussi. Je connais pas ça. Alors, Genji Cohen, c'est une femme. C'est une femme qui est... bon, aux États-Unis, on s'en doute bien. C'est pas un petit chien. Comme ça, non, c'est non ça. Genji. Donc, Genji Cohen va souvent avoir des personnages, des femmes fragiles qui doivent devenir fortes avec le temps. Alors, qui doivent s'endurcir avec le temps au fil des événements, au fil des épreuves qu'ils vont affronter. Elle aime beaucoup la comédie, entre autres. Alors, c'est vraiment sur la comédie qu'elle va se faire les dents, si on peut dire ça comme ça. Elle va travailler pour différentes séries pour faire quelques épisodes, entre autres... The King of Beverly Hills. Okay. C'était avec... mon Dieu. Faudrait rechercher pour être sûr, mais je pense que c'est... Je te cherche pas. Will Smith. Ah, OK. Que, si je me trompe pas. Je devais me tromper avec Le Prince à New York. Moi, je pensais à Beverly Hills Cop. Je pense que je vais tout mêler. The King of Beverly Hills, un peu. Oui, je sais ici. Sur IA, il me semble. Non, je suis pas sûr que c'est ça. Tu l'as c'est pas ça, hein? Non, je l'ai pas. Mais je pense que je me suis trompé parce que je l'ai vu, je l'ai passé vite. Parce qu'il montrait différentes séries pour lesquelles elle avait travaillé, puis c'est une des séries qui me disait le plus de quoi. Les autres séries, ça semblait être des petites séries qui ont duré une saison, deux saisons. C'était pas des grandes des séries qui ont fait longtemps. Est-ce que c'est possible que ce soit elle qui ait fait... on m'a dit, un collègue m'a dit qu'elle avait fait Weeds avant, ça se peut-tu? Exactement, je voulais en parler de Weeds. Non, ça s'appelle pas même en français, pas Weeds. Donc, je vais faire un comparatif avec Orange is the New Black puis Weeds. Parce que Weeds, c'est vraiment sa série majeure. Après toutes les petites séries à laquelle elle a participé, après toutes les séries qu'elle a essayé de partir, elle a fait entre autres 12 pilotes de séries télé avant de pouvoir en avoir une qui soit acceptée puis de vraiment travailler dessus. Mais c'est pas si pire. C'est pas si pire. 12 pilotes, c'est... elle devait avoir du talent pour qu'on l'accepte finalement après ça. C'est toujours mieux que Marie-France pilote. Marie, c'est ça? C'est son nom? C'est Marie-France Marie, pilote. Marie-Maurice. C'est quoi son nom? Ah, je pilote. Sais, mais ça s'appelle pas Marie-France. Non, c'est quoi son nom? Non, dis-le. Mais... tu l'as dit. Ah, c'est gênant. Marie-Lise. C'est gênant. Pour le gars, c'est la peine. Pour le gars. Marie-Lise. Ouais, même moi, j'étais sûr que c'était ça. Bon, fait qu'on fait la blague? Ben, c'est toujours mieux que Marie-Lise Pilote. Tellement spontané, j'aime ça. Vraiment? C'est là que je me rends compte que je te fais aveuglément confiance pour les noms. T'as un ordinateur devant toi, je te fais confiance pour tous les noms. Ah, moi, je ne devrais pas. Il y a de la misère à se rappeler du sien. Fuck you. Avec amour. Donc vraiment, Weeds, alors sa série majeure, la Weeds, qu'est-ce que ça va être si on en parle vite? C'est une femme, une mère de famille, monoparentale avec deux enfants, qui va décider pour arrondir les fins de mois, si on veut, pour s'en sortir, de vendre de la drogue, de vendre du pot. Ben oui, pourquoi pas? Alors oui, c'est ça. Alors, petite femme tranquille, elle vit dans un milieu aisé, très riche. Alors, un milieu où il n'y a pas vraiment de violence, pas vraiment de criminalité. Puis elle va vendre de la drogue dans ce milieu-là. Fait qu'elle va se lancer là-dedans. Et ça reste une série qui est très comique. Alors, si on reste, je compare toujours son style d'écriture vraiment à de la bande dessinée un peu quand on regarde les personnages. Peut-être pas son personnage principal, qui va être un petit peu exagéré sur certains bords. Dans Weeds, dans le fond, la personnage principal, la mère de famille, on dirait que c'est le même personnage qui est un peu repris dans Orange is the New Black. Okay. Je pourrais voir à peu près le même personnage qui se retrouve dans ce milieu-là. Femme fragile, qui essaye de s'en sortir, puis que ben, elle se retrouve dans une file d'événements qu'elle peut plus ou moins contrôler. Et là, elle doit s'endurcir, elle doit devenir plus forte. Ça aurait pu être un dérivé, ça aurait pu être le personnage de Weeds, graine de voyou. Ça... J'essaie de trouver des noms pour les séries en français. Ça marche pas toujours. Mais ça répète le même personnage, ça répète un spin-off. Pas exactement, parce que dans le fond, ce qu'on va avoir avec la personnage de Whis, c'est un personnage qui va évoluer à la fin de la série. C'est vraiment un personnage qui a atteint, qui a évolué en tout point, qui a complètement changé et vraiment qui a atteint son but, si on veut. Le but de la scénariste qu'on rejoint ici, qui est d'avoir une femme forte à la fin, qui a traversé des événements et qui est capable d'en voir. Dans Orange is the New Black, on recommence au début. La femme, elle se retrouve bon, dans des événements qu'elle contrôle pas trop, est un peu maladroite, on sent qu'au début elle est très incertaine, elle rentre dans ce milieu-là, on sent que ça a toujours été, on peut imaginer la petite fille finalement qui a toujours été sage, là. On peut se l'imaginer un peu comme ça, là. La petite fille première de classe, que tout va bien. Comme dans Unité 9. Oui, oui. Toi, tu vas faire mes comparatifs, là. Steph va faire mes comparatifs avec Unité 9. Sans voler de poche. Vas-y. Mais vraiment, on va vraiment avoir une femme comme ça qui va se retrouver dans un milieu carcéral et on va pas la prendre en pitié dans ce milieu-là. Fait que vraiment, elle aura pas le choix d'évoluer. Et à partir de la saison 2, elle a vraiment un bon changement là, au niveau de son caractère. Donc vraiment, on voit une similitude à ce niveau-là. Au niveau de l'écriture, comme je vous ai dit, des personnages qui vont être très bande dessinée autour, ceux qui vont graviter autour d'elle, des personnages un peu plus exagérés. Alors dans Weeds, entre autres, on parle d'un gang de rue qui est là. C'est pas un gang de rue qui fait peur, c'est vraiment un gang de rue qui me faisait mourir de rire, pour vous donner une idée là. Alors vraiment, c'est un humour toujours comique. Mais c'est toujours un humour avec des sujets qui sont audacieux. Dans Weeds, on parle d'une femme monoparentale, on va parler de vendre du pot, puis on va pas dire c'est mal vendre du pot, on va pas dire, on va pas tourner autour de ça, on va pas parler du pot, c'est simplement prétexte encore pour une autre histoire. Alors pour une femme, alors qui est monoparentale, qui doit s'en sortir dans un milieu où tout est aisé, où tout le monde finalement ça va bien, et elle, faut qu'elle s'en sorte d'une façon originale, finalement, qu'on pourrait dire comme ça, pour pouvoir subvenir aux besoins de ses deux enfants. Fait que c'est toujours des prétextes à raconter une histoire, c'est toujours des prétextes à mettre en avant-plan des femmes qui sont fortes, des femmes qui ont dû s'en sortir, des femmes au caractère qu'on voit pas souvent nécessairement. Alors, aux différents caractères, dans Weed, c'est vraiment pour la femme, là, la personnage principale dont j'oublie le nom du personnage. Mais c'est quand même un choix étrange, hein? Tu sais, tu penses, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais vendre du pot. T'aurais pu vendre du Tupperware, mais il serait pu faire pareil. Je vous conseillerais de taper Jenji Cohen sur Google. Vous allez voir que, bon, on n'a pas du mal à croire que la femme a eu cette idée-là. On a l'impression qu'elle s'est peut-être inspirée de sa vie. Cette femme-là, juste physiquement, est assez impressionnante. Elle a des cheveux qui sont fous. Ah, des cheveux, là. C'est des cheveux, beaucoup de cheveux. Mais ses cheveux, il y en a beaucoup qui parlent de ses cheveux dans les entrevues. C'est une femme qui est un peu... qui est très... extraverti, c'est ça que je cherchais. Alors, toujours très coloré. C'est un peu comme notre... des fois, ils sont orange, des fois, ils sont pas orange, mauve, vert, bleu. Oui, ça change souvent. Parce qu'en temps normal, je pense qu'ils sont comme noir et blanc, un peu comme l'auteur de livre, tu sais, avec une petite couette en blanc. Marie Labelle. C'est ça. C'est un petit peu. Ah, j'avais plus pensé à Cruella, moi. Oui, le célèbre auteur de livres Cruella. Ouais. C'est un dalmatien, c'est elle qui écrit ça. Peut-être, ouais. Oui, mais oui, c'était une autobiographie. Il n'y aurait pas eu d'histoire, ça n'avait pas été. Ben non. Pour répondre à ta question avec délai, le personnage principal de Game de Voyou, Nancy Botwin. Nancy Botwins, oui. Fait que vraiment, avec elle, elle va voyager. Alors, on va se retrouver dans ce milieu-là. On va voyager dans différentes villes. Toujours pour essayer de s'en sortir avec ça. Toujours dans le but, en fait, de subvenir aux besoins de ses enfants. Alors, pas dans le but de s'en sortir avec la drogue ou pas dans le but de faire le commerce de la drogue. C'est de s'en sortir avec ses enfants. Et on va avoir un passage qui est très intéressant dans une des saisons où son fils, qui est assez âgé, va vouloir en vendre lui aussi. Sa mère en vend, il trouve ça, il découvre le poteau rose qui se cache. Oh, c'est un bon jeu de mots, ça. Oui, hein? Bravo. Donc, le garçon, il va trouver ça, donc il va vouloir en vendre. Et là, c'est toute la conversation de la mère qui doit essayer de convaincre son fils de pas tomber dans l'enfer de la drogue. Et que là, on se rend compte que la mère elle-même tombe dans les stéréotypes en disant ça. Et qui se rend compte que finalement, c'est pas vraiment ça tout le temps. On va vraiment avoir une vision complètement différente là, de ce milieu-là illégal. Là. Alors, c'est pas une série qui vient nous faire la morale là-dessus. C'est une série qui nous fait découvrir vraiment une femme. Et c'est l'écriture de Jenji Cohen. Avengers the New Black, c'est la même chose. C'est une série pour nous faire découvrir des femmes, pour nous faire découvrir des personnages, alors haut en couleur. On viendra jamais nous dire ce que cette femme-là a fait, c'est mal. On a une femme que c'est plutôt dur. Je vous dirai pas qu'est-ce qu'elle a fait. Il y a une femme que c'est la vieille madame de la prison. C'est... bon, cheveux blancs, c'est une, c'est considéré comme une des ancêtres qui est là. Beaucoup de respect par les autres prisonnières. Ah. Ouais. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait des comparatifs avec les deux séries. Mm. C'est sûr que si ça se passe dans, dans une prison pour femmes, il faut que tu aies toutes les sortes de femmes. Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir un parallèle entre les deux. Hein. Mais cette femme-là, son crime de pourquoi elle s'est retrouvée en prison, c'est violent. C'est très violent. Quand on nous dit c'est quoi finalement, en fait, je sais même pas si on nous le dit jamais vraiment clairement. On sous-entend un peu. On sous-entend. À un moment donné, dans un des épisodes, elle va sauter une coche, si tu peux dire ça comme ça. Et là, tu fais tous les liens dans ta tête avec tout ce qui s'est dit tout au long de l'épisode et qu'est-ce qui s'est dit avant. Et tu fais OK, ça a l'air quand même dur qu'est-ce qu'elle a fait, ça a l'air quand même rough qu'est-ce qu'elle a fait, même si ça a l'air maintenant d'une vieille madame assez sage. Parce que jusque-là, tu l'aimais beaucoup, j'imagine que tu étais attaché peut-être au personnage. Mais c'est toujours des personnages qu'on va aimer quand on les voit en détaché comme ça. On va en voir une qui va être. C'est drôle parce que quand on est dans la prison, on dirait qu'on est dans le très classique. Alors. On parlait de la vieille qui est respectée, la noire un peu plus tomboy qui veut brasser, la lesbienne là qui veut coucher avec tout le monde, puis qui utilise son pouvoir de lesbienne finalement pour se sortir de ça, parce que oui, un pouvoir de lesbienne en cours cette série-là. Ah. Donc, donc, il va vraiment utiliser ce côté-là d'elle pour pouvoir avoir des avantages auprès des autres femmes. C'est très classique, c'est très cliché comment qu'on va montrer, mais c'est en arrière de ça, c'est quand qu'on décide de s'attarder sur ces femmes-là qu'on se rend compte, OK, si elle est comme ça, c'est pas pour rien. Elle a vécu des choses qui l'ont emmenée à ça, puis on apporte toujours une raison à son caractère du présent, à pourquoi elle agit comme ça maintenant, ce qui est très rare dans les séries, ce qui est très bon, très bien fait dans Orange is the New Black. En fait, c'est l'écriture de Jenji Kohan qui est faite comme ça, parce que dans Weeds, c'est la même chose aussi. On va toujours nous apporter, on va avoir des personnages qui sont hauts en couleur, qui sont un peu réalistes, mais on va justifier ça d'une façon quelconque. Alors, c'est toujours bon. Weeds, c'est une série qui est terminée. Alors, ça a été... Là, t'es encore sur la page de Weeds. Ben oui, je te gage. Hein? J'ai pas fait de recherche sur Weeds, 2005... moi j'ai fait une recherche sur Orange. Là. 2005 à 2012, cherche les années, cherche les saisons. Hein. 2005 à 2012, ça me va, c'est juste pour dire que c'est terminé puis que c'est pas si vieux que ça. Alors, c'est une série qu'on peut encore reprendre. Si je vous si j'ai un conseil saisons, à vous donner. 102 épisodes. Moi, c'est l'info qui, moi, m'intéresse. C'est pour savoir combien de temps ça me prend à l'écouter. 102 épisodes, c'est quoi, c'est 50 heures? Moi, je les ai tous écoutés. Okay. Donc, Weeds, alors, c'est une série que je vous conseillerais d'écouter. Si vous aimez beaucoup Orange is the New Black, que vous avez fini Orange, écoutez Weeds, ça vaut le coup, ça vaut la peine. Vous allez sentir que Jenji est peut-être pas, comment qu'on pourrait dire, à son meilleur. Non, je dirais pas ça. Elle n'a pas encore évolué pour avoir l'écriture qu'elle a dans Orange. Alors, elle n'a pas vraiment la même vision. On va vraiment avoir une écriture qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus facile, comique. On va pas trop s'attarder sur des sujets qui sont audacieux. Le sujet qui est audacieux là-dedans, c'est que la mère avant du pot. C'est tout. Ouais. On va pas aller vraiment... Après 8 saisons, je pense qu'on a peut-être qu'on parle plus nécessairement non, tout c'est le temps ça. De ça. Même après la saison 1, de la saison 1 à la saison 2, il y a un changement de ton un petit peu pour vraiment nous faire décrocher de cet aspect-là puis nous intéresser à un autre aspect de cette femme-là. Mais vraiment, Jenji Kohan va avoir son écriture, on dirait qu'elle va se forger avec Weeds, et Orange, c'est sa série qu'elle va sortir ensuite, une fois qu'elle sera faite les dents, j'aime ça cette expression-là. Ouais, aujourd'hui. À date, à matin. Ouais, c'est ça, je l'ai dit deux fois, j'aime ça. Alors, quand tu en deviens accro. Ah, mon Dieu. Je vais la reprendre, je pense que je vais la mettre en scène. Prise 2! Donc, Jenji Kohan qui va vraiment... bon, j'ai perdu le fil à cause excuse de toi. Excuse-moi, qui va se faire les Death of Weeds pour finalement faire Orange is the New Black. Alors, Weeds, ce que je vous dirais là-dessus, écoutez-le, c'est une bonne série. Pourquoi j'en parle pas? Bon, un, c'est fini. J'ai dit que je parlerai pas de séries qui sont finies. T'as une mission quand même dans ta carrière. Oui, c'est ça. Et deux, je voulais quand même la faire découvrir, mais deux, c'est surtout que la saison, je pense qu'au bout de la saison 6, ça part en vril. Ouais. J'ai entendu dire, C'est ça. C'est bizarre. Ouais. Après. Fait qu'écoutez jusqu'à saison 6. Puis quand, quand vous sentez que ça fait bizarre, tout, arrêtez. Vous allez rester avec une mauvaise image. Là, ça, que... je peux pas endosser ces propos-là. Une série, ça s'écoute au complet, même si ça vient de même mauvais, ça fait partie de la série pour moi. En tout cas, mais je sais pas, tu sais, maintenant j'ai écouté Scrubs, la dernière saison, j'ai fait, je suis plus capable. Ouais, mais Scrubs, ça se passe même plus dans un hôpital à la fin. Mais genre. Oui! C'est pas une école, genre? Hein? C'est dans une école de médecine. Mais oui. Ça s'appelle Scrubs Med School. Ouais, mais. Ça, ça, c'est le même principe en fait. Ceux qui ont écouté Scrub, la dernière saison qui est la 9e si je me trompe pas, ouais. c'est un peu le même changement. On sent qu'il n'y avait plus d'idées, mais qu'elle a renouvelé, qu'elle avait besoin d'écrire, ouais. Fait qu'elle a écrit, puis ça donne quelque chose qui est fort. Fait que moi, je considère que je l'ai fini, même si j'ai pas fini la fin de la saison. C'est correct, on est deux. J'ai pas de taffer. Je vais être le seul à être le vote contraire, mais non, je tiens jusqu'à la fin. Fait que vraiment, c'est que c'est des séries qui sont renouvelées souvent. Alors, pourquoi c'est des séries qui partent en vrai? C'est des séries qui sont renouvelées, qui sont victimes de leur popularité. Ouais. Dexter, c'est un peu la même chose qui est arrivée sans vouloir dévoiler de punch. C'est des séries qui s'étirent. Puis c'est souvent des séries, souvent des gens vont regarder 8 saisons, 9 saisons, 12 saisons. Ça doit être bon si ça t'a fait aussi longtemps. Pas nécessairement. Souvent, c'est ça. Ils vont être victimes de ce phénomène-là, de la série où on avait des idées jusque-là et après, ben, on est obligé, on pédale, on va chercher d'autres scénaristes. Sur Weed, si je me trompe pas, c'est d'autres scénaristes qui vont embarquer, entre autres, sur cette série-là puis qui vont se mettre à écrire par-dessus ça. Et là, ouf, on perd l'univers de Jenji Cohen au complet, là, à la fin. Là. On perd vraiment ce qui est intéressant de ce scénariste-là et pourquoi j'en parle aujourd'hui. Je m'en trouve dans mes affaires. Alors, Jenji Cohen va vraiment aimer ces univers-là. Alors, va vraiment aimer la comédie au travers de ça. Saison 2, on a un changement de ton. Je vous parlais d'un changement de ton dans Weeds. On en a un dans Orange. Alors, avec Jenji, on sent qu'elle avait une tendance... Ouais. Dans Orange, elle est vraiment toujours sur un fil de fer entre le drame et la comédie. Dans saison 1, on va pencher beaucoup vers le drame. Si vous l'acceptez, ça va bien passer. Je pense qu'il faut l'accepter. Je pense que c'est très bien comment c'est fait, comment c'est montré. Mais ensuite, avec la saison 2, j'en parlerai un peu plus loin, mais il y a vraiment un changement de ton. On revient de la comédie à ce moment-là, puis vraiment avec une écriture qui est vraiment plus... qui rend vraiment plus honneur à Cohen, à Matt Mais Cohen. Ceux qui ont apprécié vraiment plus le côté dramatique vont peut-être être déçus un petit peu par le reste, parce que c'est beaucoup moins dramatique. Peut-être un peu déçu, je dirais pas ça parce que ça reste vraiment un univers, ils vont rester avec le côté qui est dramatique là-dedans, mais je pense que c'est mieux montré parce qu'à la fin de la saison 1, entre autres, on va être vraiment dans quelque chose qui est plus noir, alors on ne fera pas rire du tout, on va vraiment être dans quelque chose qui est plus noir, alors pas nécessairement plus dramatique, c'est vraiment de la façon qu'on va nous le montrer qui va être plus noir, qui va être moins drôle. Donc la saison 2, on va rester avec le même ton, avec le même sujet, avec les mêmes choses qu'on veut parler, c'est juste la façon qu'on va nous le montrer qui va changer, qui va être un petit peu plus léger, un peu plus facile à écouter. Puis on va revenir avec des personnages qui appartiennent à Cohen. Alors des personnages qui sont en couleur. Il y en a une là-dedans, c'est une psychopathe qui veut tuer tout le monde. Et c'est ça. On peut s'imaginer, à la fin de la saison 1, c'est une psychopathe qui veut tuer tout le monde. Ça peut être très noir. Ouais. Non, ça dévoile pas beaucoup parce que tu t'avoues la première fois puis tu sais que c'est une psychopathe qui veut tuer tout le monde. Alors, elle dit tout le temps là, qu'elle veut tuer du monde. Mais non, je vous ai pas dévoilé le punch avec ça. Fait que vraiment, quand on va prendre ce personnage, je prends ce personnage-là pour vous montrer dans le fond. Vraiment, ce personnage-là, à la fin, c'est pas une psychopathe qui va faire rire, qui est un peu exagéré. C'est vraiment une psychopathe, quelqu'un qui a un gros problème et qui se retrouve dans un milieu qui est pas adapté pour elle. Qui est un peu dans son monde, qui est un peu illuminé par la religion et tout. Puis c'est triste, c'est noir, c'est dramatique. Dans la saison 2, quand elle va revenir, là, elle est revenue un peu plus fofolle. Fait que là, elle perd des dents, elle trouve ça drôle. Elle va revenir un peu plus colorée, finalement, un personnage que quasiment qu'on va s'attacher, même si c'est un personnage qui devrait pas être attaché. Personnage dérangé. Fait que c'est vraiment pour vous montrer une idée sur le changement de ton, c'est la différence qu'il y a entre les deux. On peut nous montrer un personnage, on peut nous montrer une femme qui a vécu un gros drame. La transgenre, c'est un bon exemple aussi. On peut nous la montrer, puis montrer à quel point c'est dur, qu'est-ce qu'elle a vécu, puis à quel point les stéréotypes sont durs, puis à quel point c'est difficile. Mais c'est pas ça qu'on va nous montrer. On va nous montrer la personne qui est au travers de ça. On va nous montrer qu'est-ce qu'elle a dû vivre, puis son crime n'a pas du tout rapport avec sa situation, si on peut dire comme ça. Puis dans la saison 2, ce personnage-là, c'est celle qui va faire les maquillages de tout le monde, puis c'est celle qui s'y connaît le plus, puis qui va... Fait que c'est toujours là, ce changement-là. Ça dépend de la façon qu'on va nous le montrer, mais les sujets vont rester les mêmes. Je peux faire mon avis tout de suite? Ben oui. Je vais rendre à combien de minutes? Pas comme tu veux. Je suis tabarnouchant. Ça passe vite quand on s'amuse. Ben oui, j'ai trop de fun, moi. Faut que j'arrête. Arrête d'avoir du fun, s'il te plaît. Deviens dépressif, psychopathe, puis finis la saison sur un punch en ultime dans toute la gamme. Oui, c'est ça. Moi, vous parlez de Oz la prochaine fois. Donc, mon avis, alors les points positifs, toujours pour rester objectif. Alors, positif l'humour. L'humour est efficace. Alors, c'est un humour qui est vraiment efficace, qui est unique à Cohen, qui est audacieux. C'est un humour qui est super intéressant. Le générique d'ouverture, je te l'ai envoyé. Tu vas pouvoir voir le générique d'ouverture. Nous, pour les auditeurs, ils vont juste attendre la musique, finalement, la musique thème. Pour la musique thème, attardez-vous sur les paroles. Les paroles reflètent vraiment ce que cette série-là essaye de nous montrer. Le générique, très bien fait, une très bonne idée au niveau du générique. C'est rare. On a beaucoup de séries qui vont s'attarder sur des beaux génériques. Bon, je le répète encore, Game of Thrones a un générique qui est magnifique, ouais, selon moi. Lui, pour son genre, pour le style de série, pour ce que ça raconte, le générique est très beau aussi, est très bien fait. Pour moi, c'est un point qui est très positif. Avec, rappelons-le, on l'a juste dans une précédente chronique, c'est un fait, je crois, mais c'est des vraies prisonnières, des vraies femmes de prison dans le générique. Oui, qu'on on voit leurs yeux, de finalement. Près, ouais. Alors, quand on le sait pas, on pense que c'est les acteurs. Ouais, on pense que c'est les actrices, mais quand on... C'est ça. Ça reflète du Cohen. Je l'adore. qui va aller chercher des prisonniers. Qui va faire « Non, non, non, mon générique. Je vais aller chercher des prisonniers. J'ai des actrices payées. Pas grave. Je vais chercher des prisonniers. » Je l'adore. Elle est folle. l'énorme défi alors de ce sujet-là, alors un milieu carcéral, un milieu de femmes, tous les sujets, c'est des sujets qui sont durs. L'énorme défi de rendre ça léger, de rendre ça facile à écouter, c'est très bien relevé, c'est très bien réussi. L'évolution du personnage principal qui se fait, selon moi, en toute logique, c'est pas un changement drastique, c'est pas parce qu'on change de saison qu'on change de personnage, c'est vraiment logique. On reste toujours... c'est tout, c'est logique, ça dit ce que ça veut dire. Là. les relations des femmes entre elles, alors comment qu'elle a représenté ses relations entre elles, alors c'est... On se rend compte qu'un milieu de femmes... Ben, tu veux pas être dans une prison de femmes non plus. Fait que j'imagine qu'un milieu d'hommes, ça doit être dur aussi. Milieu de femmes, ça a l'air assez rough aussi. Ils ont de l'air d'en donner eux autres aussi. Là. Bien sûr, Jenji Cohen, les petits délires de Jenji Cohen là, qu'il y a à l'intérieur. Fait que je parle de petits délires parce qu'elle se fait vraiment... On parlait du générique d'ouverture. Mais je vous donne une chose que j'ai... Moi, je l'ai remarqué puis je l'ai fait remarquer à plein de monde qui l'ont pas vu et qui l'ont réécouté après et qui ont fait « Oui, c'est vrai. » Quand on le voit, je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais je trouve ça drôle. Chapman où les personnages vont souvent aller à la cabine téléphonique pour parler, alors faire avancer l'histoire, et en arrière il y a une autre cabine téléphonique. Vous remarquerez, l'autre cabine téléphonique, c'est toujours la même chinoise qui est là. Toujours. C'est toujours la même chinoise. Elle est toujours en train de pleurer. Elle est toujours au téléphone en train de pleurer. C'est mourant. C'est ça. C'est un personnage qui est trop exagéré. C'est un personnage qui est un peu... C'est ça, tu sais, elle pleure. C'est triste, là. Elle est au téléphone, elle pleure. Et tout le temps là, c'est pathétique. Puis on la voit jamais autre que là. Genre. On la voit jamais. On sait pas c'est qui, tout. Wow. Puis quand on nous la montre, c'est la façon que c'est filmé, de la façon que c'est montré, le fait qu'elle revienne tout le temps à la cabine, ça devient un personnage bande dessinée. Wow. Fait que c'est vraiment son style à Cohen, c'est vraiment un personnage. C'est un personnage qui est attachant, ouais, mais qui fait juste qui fait juste pleurer au téléphone. Elle parle même pas, elle fait juste pleurer au téléphone en arrière des autres personnages. Puis pourtant, ceux à qui je l'ai fait remarquer, on sait tous c'est qui, la chinoise dans Orange qui parle au téléphone. Alors. Puis les choix d'histoire, alors le choix d'histoire, bien sûr, de parler d'un milieu carcéral, de parler de ces femmes-là. Point négatif, j'en ai noté trois principaux des points négatifs. Je sais que j'ai parlé avec une personne qui connaissait Orange, qui me disait « Bon, c'est une série, qu'il y a peut-être plus de points négatifs que ça. » Mais sincèrement, je trouve qu'il y a vraiment trois points négatifs en toute objectivité, c'est des points qui vont pas vraiment avec la série. C'est des points qui viennent enlever un peu ce petit côté-là qui est le fun de la série, ce côté comique où l'histoire est très bien écrite. Là. L'évolution de l'agent Ailey. Alors, Ailey, c'est l'agent, ceux qui ont écouté la série, qui a les cheveux blancs, finalement, qui est un peu le chef des autres agents, si on veut, dans le milieu carcéral. Son évolution, à lui, est bizarre. Je vous parlais de Chapman, qui, elle, on a une évolution qui est tout à fait logique. Ailey est dur à saisir. J'ai des gens qui ont essayé... On a essayé d'avoir des explications, mais même pour vous donner une idée à quel point c'est dur puis à quel point c'est pas clair, même des gens qui me disaient « Mais non, c'est parfaitement clair » puis qui essayaient de me l'expliquer sans mêler les pinceaux en me l'expliquant. Je leur faisais douter sur certaines affaires qui me disaient. Donc, Ailey, pour moi, c'est un personnage qui est un peu mal écrit. Je vous dirais que le chum, finalement, le conjoint de Piper, le personnage principal, aussi une évolution un peu étrange. On dirait que les gars, on n'est pas très bien représentés dans cette série-là, je vous avouerai. Je pense que Cohen aussi dans Wiz, on va avoir des personnages, les personnages masculins, c'est pas les personnages les mieux représentés. Et des fois, on voit le contraire dans d'autres séries où c'est des, exactement, des hommes, exactement, où les femmes sont mal représentées, donc ça arrive. Je pense que, sincèrement, dans Wiz, la façon que c'est représenté, c'est un juste retour des choses, puis je pense que c'est un peu une moquerie comment qu'on pourrait le voir, et je pense que c'est justifié. Mais dans Orange is the New Black, les deux personnages que je vous ai nommés, il y en a d'autres, des personnages masculins, les autres personnages, ça me dérange pas, mais ces deux-là, vraiment, je trouve que l'évolution qu'elle a faite avec eux est pas nécessairement logique, c'est peut-être pas nécessairement comme ça qu'ils devraient... logiquement qui pourrait réagir, on va me dire que chaque personne réagit à sa façon, mais bon, c'est un peu étrange, un peu difficile à expliquer, une série qui veut tout montrer, qui veut te sensibiliser sur la vie de ses personnages, et quand je dis ses personnages, c'est vraiment tous ses personnages, et là on a deux personnages que l'écriture est mal faite selon moi, bon, c'est un défaut à la série. Puis le changement de ton de la saison 1 à la saison 2. Pourquoi c'est un défaut? La saison 1, je vous l'ai dit, on finit, c'est très dramatique. La saison 1, c'est très dramatique. Je me suis attardé sur Steph, je pensais qu'elle allait éternuer dans le micro. J'ai fait ouais, une ben pause. Justement, j'essaie de faire ça subtil, mais ça n'a pas vraiment marché. C'est pas resté subtil longtemps. Non, avec moi, ça marche pas. Je vais tout dire ce que vous faites. Ok, parfait. Lève la main, gars. Donc, vraiment, on va avoir un changement de ton avec la saison 1. Alors, on va devenir très dramatique à la fin. Si dans la saison 2, on aurait continué dans ce côté dramatique-là où on serait tranquillement revenu, j'aurais senti que c'était voulu, alors que ça n'aurait pas nécessairement été un défaut. Dans la saison 2, il y a une coupure directe. On revient vraiment à quelque chose de très comique. Quand tu les écoutes en rafale, ça clash. Oui. Évident. Vraiment. Okay. À la saison 2, ça finit très, très noir, puis on recommence, puis c'est assez léger, finalement. Alors, au point où on se dit, ben quelque chose qu'on essayait de nous montrer que c'est très dramatique, ben finalement, ça n'a pas tant d'importance. C'est ça qu'on essaye de nous dire. C'est presque ça qu'on essaye de nous dire. Donc, pour moi, c'est un défaut. Je pense que Mme Cohen se cherchait dans une écriture dans la saison 1. Et dans la saison 2, elle a dit non, ça serait ça, ça va être ça, je vais rester avec ça. Et dans la saison 2, on a une saison qui est beaucoup plus stable, avec le même ton durant toute la saison 2. Donc, pour moi, c'est et ça reste défaut, après, dans le, je pense, la saison 3 qui... La saison 3 est pas arrivée encore. On sait pas encore, mais dans la saison 2, jusqu'à la fin, on va rester dans le même ton. On n'aura pas ce changement de ton qu'on a eu dans la saison 1. Dans la saison 3, ben j'attends de voir. Ça va devenir de la science-fiction, tout le monde c'est des robots. Oui, c'est ça, on va avoir des vaisseaux spatiaux. Donc, ma note personnelle, fait que pour moi, Orange is the New Black, c'est vraiment... Orange is the New Black, mais vraiment, pour Jenji Cohen, je vais donner une note à la scénariste, en fait. C'est un nuage coloré. Ah! Fait que c'est un nuage plein de couleurs. Comme The Skittles. The Skittles, exactement. C'est un nuage. Ah, j'y avoir pensé. Je pense que ça aurait été ça ma note. Un nuage de Skittles. Alors, toujours un petit côté bande dessinée, mais on essaye de nous montrer, de nous faire quand même. Derrière ce nuage-là, il se cache quand même des choses dramatiques, des choses dures qu'on veut nous dire. Ouais. Mais c'est toujours bien fait. Il y a un orage. Il y a un orage. C'est ça. Ben, c'est un orage de couleurs. C'est un bel orage. Ben voilà. Donc, tu notes juste la scénariste, tu notes pas la série. Ben, je donnerais pour la série la même chose. Le petit bémol que je mettrais, c'est un nuage coloré, mais foncé. Fait que c'est juste des couleurs foncées. Couleurs foncées. Oui. Pas pastel. Foncé. Non. Parfait. Foncé. Oui, mes notes sont très sérieuses. Moi, non, mais c'est bien ça. On n'y est pas avec là, ça. Là, tu sais où tu t'en vas avec une note de même. C'est super scientifique. C'est sûr. Donc, on rappelle Weeds, graine de voyou. Et Orange is the New Black, ou encore l'orange fait sortir la couleur de tes yeux. En français. Oui. Ah, c'est beau. Merci, Frédéric Bernard. Toujours un plaisir. Crackpot TV, on fait ça les mercredis vers les. Quelle heure? 8h30. 8h30. C'est ça. Mm-hmm. J'essaie de calculer à l'envers. C'est 8h30. Ouais. En effet. merci, Frédéric. On va écouter la chanson thème de Orange is the New Black ensemble. Je pense que ça serait approprié d'entendre ça. Donc, écoutons ça à l'instant. The animals, trap till the cages fall. The cages fall, the day is new, and everyone is waiting on you, and you've got time. Think of all the roads, think of all their crossings. Taking steps is easy, standing still is hard. Remember all their faces, remember all their voices. Everything is different second time around. And you've got time. And you've got time. Orange is the New Black, le générique d'ouverture de cette série sur Netflix. On va prendre notre pause qu'on a manqué tantôt, puis on vient après avec une dernière partie d'Assemblage Requis, mais ça va être vraiment très très rapide, ok? Vraiment très rapide. On se débat. Comment ça? Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. On est toujours à Assemblage Requis en ce mercredi matin du 21 janvier. Stéphanie Paradis, là. Mathieu Plante. Oui, il nous reste vraiment pas beaucoup d'émissions vraiment à faire ensemble. Même à peine le temps de se parler, que ça vaut à peine la peine de revenir. Mais quand okay, même, on est là. Beaucoup de longueur d'émissions. Beaucoup de longueur, beaucoup de temps. Ça mais t'as dit, il reste pas beaucoup d'émissions. Il reste pas beaucoup d'émissions comme moi. T'as raison, c'est mal dit. Ben, je me demandais beaucoup d'émissions avant quoi l'été. Non, je trouve ça non, vraiment loin. Avant la 800e. Oh. Lundi. Hein? Allô? En fais-tu quelque chose? Non. Un gâteau? OK, si tu veux faire un gâteau pour Master Steph. non, pour le 800e. OK. Donc, Viet Cong, on écoute ça à l'instant avec Newspaper Spoons tout de suite. Et après ça, ben, on va pas mal se dire bye. Restez là. C'était un nouvel extrait de Viet Cong, Newspaper Spoons, Assemblage Requis. Ah, je sais que c'est un peu traître d'être allé en pause, d'être revenu, puis finalement, on n'a absolument rien fait dans ce bloc-là, mais que voulez-vous? Hein? La toune était bonne. La toune était bonne, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Le bloc contenait une très bonne chanson, donc au exactement. Moins, on l'a sauvé, tu sais, on l'a sauvé. Mais c'est malheureusement pas tout pour Assemblage Requis aujourd'hui, c'est oh. Pou. C'est de la merde, c'est pou. C'est pou. C'est pou. Dans une nouvelle expression dorénavant. Mais nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30 demain, mercredi à l'émission. Tu veux savoir qu'est-ce qu'on a? Ben certainement, Mathieu. Ben je te le dis. On a Laurent Constantin, sa chronique sur les actualités mondiales. Ensuite, Marie-Laurence Audet et Loisir bien plus qu'un jeu. Justine Renaud avec sa chronique musico-scientifique qui est de retour demain. Puis moi. Puis toi, le poste d'écoute. Oui, les chroniques maison comme le poste d'écoute, puis peut-être autre chose, mais je pensais pas qu'on ait le temps pour d'autres choses. Demain, t'as comme un congé. C'est bien, c'est ça. Juste, ben oui. Tu veux juste nous parler. Tu veux continuer le mythe, toi, que je fais absolument rien d'autre. Hein? Je sais pas. Moi, ouais, je prends congé l'émission demain. Mais... Je fais juste passer ses pieds. Arrête donc! Demain, on s'entend-tu que t'as pas de chronique à faire? C'est un congé! C'est ça, c'est le fun. Donc, demain, à l'émission. Et puis, sinon, restez là, parce que dans quelques minutes, à 10h, ça va être l'émission Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité. Retour pour le marathon du mercredi avec le Mathieu Plancho, ainsi que les palmarès, c'est fou, c'est tout, c'est comme ça. Puis on tu fais des là. Iron Man! Des Iron Man! Bon, ben, c'est ça. Fait que... Bye! Salut!